Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est les yeux qui ne trompent pas, si le temps cherche à tromper, j'ai cherché à l'estomper, qu'une fois de plus je ne tombe pas. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est des yeux qui ne trompent pas, si le temps cherche à tomber, j'ai cherché à l'estomper, qu'une fois de plus je ne tombe pas. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. À tromper, j'ai cherché à l'estomper, qu'une fois de plus je ne tombe pas. Le sentiment est hypocrite, car il sait pas ce que t'en penses. À vrai dire, il s'en fout, il veut juste la récompense. J'ai pris le temps d'analyser, pas faire le film sans voir la fin. Mais le générique déchire et je veux un Oscar ou rien. C'est des yeux qui ne trompent pas, qui te foutent droit quand tu les vois. Et même n'étant pas là, ton cœur te dit qu'il bat pour ça. À ce qui paraît, derrière chaque homme il y a une femme. Moi j'en ai deux, c'est encore mieux, une femme et une grande dame. Certains s'abstinent à dire que l'amour mène à rien, que l'amour est inutile car il ne regarde que la fin. L'amour mène à la paix dans le couple ou dans les peuples. La haine mène à la peine, il faut que tu sauves les meubles. L'amour de son prochain peut rapprocher les cœurs entre les hommes de cette terre, entre toi et ton âme sœur. C'est des yeux qui ne trompent pas, si le temps cherche à tromper, j'ai cherché à l'estomper, une fois de plus je ne tombe pas. Regarde-moi. Perdu quand tu es seul, autant vivre la vie à deux. L'amour rend parfois aveugle, mais tu vois ce que tu veux. L'amour rend fou, mais aussi un peu jaloux. Parfois faune, quand c'est le coup de foudre qui te jalonne. Elle m'a redonné l'envie de faire du son et de poser. M'a redonné l'inspiration et le phrasé. C'est ça qui fait sa force, elle donne l'amour d'avancer. La bravoure de continuer quand tu pensais à arrêter. Comme quoi une étincelle peut raviver la flamme. Peut brûler la tristesse quand c'est le bonheur qui la crame. Et cette musique je lui dédie, je l'écris en y pensant. À elle et son sourire et son moral de résistante. L'amour peut stopper les combats, peut faire tomber les armes. Peut donner de la joie et faire couler des larmes. Si tous les hommes de cette terre connaissaient l'amour, il n'y aurait plus de guerre et encore moins de troubadours. L'amour peut stopper les combats, peut faire tomber les armes. Peut donner de la joie et faire couler des larmes. Si tous les hommes de cette terre connaissaient l'amour, il n'y aurait plus de guerre et encore moins de troubadours. C'est des yeux qui ne trompent pas, si le temps cherche à tromper, j'ai cherché à l'estomper, une fois de plus je ne tombe pas. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est des yeux qui ne trompent pas, si le temps cherche à tromper, j'ai cherché à l'estomper, une fois de plus je ne tombe pas. Regarde-moi.